L'objet de mon désir n'était que le plaisir. Fallait pas chercher d'autre vérité. Je suis intoxiqué par ma sexualité. Dead.